Parce que j'ai un problème avec des animateurs radio multimillionnaires, pleurnichards et impertinents qui médisent sans arrêt des célébrités et qui se plaignent tout le temps de leur vie, alors que mon appartement à moi a les murs extrêmement fins et que mes voisins sont des néandertaliens. Et c'est pas un nouveau-né qu'ils ont, c'est une sirène de défense civile qui signale des attaques aériennes à n'importe quelle heure et qui se déclenche toutes les nuits comme si c'était Pearl Harbor, putain. Salut à vous, on est de retour à 6h du matin, de bonne humeur, je veux dire. Oui, ça va, on est bien, on est tranquille. On va pas faire de conclusion, mais moi j'étais pas là, là. Tu me disais hors antenne ce qui s'est passé cette nuit pendant oui, que je dormais. Fait. Tu veux en parler ? Eh ben oui, en quelques mots, je vais essayer de survoler ça sans rentrer trop dans les détails. De toute façon, vous aurez les podcasts et les rediffusions si vous êtes en manque de nous. Eh ben la première chose, donc au moment où t'es parti, il y a eu cette fameuse session hypnose. Avec, on s'y attendait pas, un improbable contradicteur finalement, un petit peu critique vis-à-vis de l'hypnose, pas de l'hypnose en général, mais de l'hypnose particulièrement de rue et de spectacle. Et puis on a eu une démonstration qui a plutôt bien marché sur certains d'entre nous. Il y a une partie de la salle qui était un peu plus réceptive que d'autres. Mais c'était une chouette ambiance en tous les cas. Juste après ça, on a eu Seasonal Affective Disorder qui sont venus jouer. Et c'était vraiment cool. C'est ouais. Pareil, c'était super bonne ambiance, plein de gens posés dans les canapés, petite ambiance rouge bleutée et puis juste très très intimiste et en même temps très détendu. Les gars se prennent pas trop la tête, ils se prennent pas pour des grosses stars. Bonne ambiance. Et ça assume, ça fait des pains des fois et en même temps ça assume complètement les pains et ça rend le truc encore plus chouette. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Bon, l'espèce de surprise, c'était une espèce de session antenne libre où on a pu poser des questions à Kingu. Kingu One, je crois que c'était ça son pseudo, qui défie d'ailleurs tout le monde encore une fois sur le PlayStation Store, sur FIFA. Vous pouvez l'ajouter, Pedro MSA, il est prêt à relever n'importe quel défi. Ensuite. Une fois qu'on a eu cette petite session, et ben on est allé directement dans l'univers de Groupe Fantôme, qui ont pris l'antenne et puis qui nous ont fait découvrir aussi bien des playlists musicales et on a pu avoir des débats parfois très drôles et parfois un peu plus sérieux et ce de manière qualitative jusqu'à 4h du matin. Oui, alors moi je suis arrivé, ce que je disais tout à l'heure avant que tu arrives, j'ai constaté effectivement qu'il y avait eu quelque chose. Je ne pouvais pas dire quoi, mais une ambiance qui est restée. Voilà, l'odeur est restée et les mégots et les bouteilles aussi. Ceci n'est pas un reproche. Mais pas de soucis. Ça avait l'air assez marrant. Alors vous êtes toujours. Vous êtes 35, d'un coup vous étiez 34 pendant le. Oui, parce qu'après il y a eu la retranscription de tout. Oui, tout à fait. Je sais pas, on va dire que c'était pas forcément notre meilleur programme des 24 heures. Mais c'est en tout cas, le contenu était bon, c'est juste que voilà, c'était le moment où finalement il fallait que certains d'entre nous aillent vraiment très temporairement fermer les yeux. Ouais. Mais encore une fois, cette émission Tout va être rediffusée régulièrement en podcast. Et déjà, elle a été diffusée de manière un peu brute, c'est-à-dire le son n'avait pas encore été traité et ça sortait tout chaud du Zoom. Donc après traitement, vous pourrez assister, enfin en tout cas écouter cette petite émission. Voilà, alors bonjour à vous, salut à vous les 35 auditeurs. On soupçonne que certains aient mis mute et se soient endormis. Oui. Alors n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour nous prouver que vous êtes réels et que vous n'êtes pas des robots. Oui, tout à fait. Je rappelle le numéro, la hotline. 06 26 47 08 60. Voilà, d'autant plus que je vois sur les internets, puisqu'on sait tout grâce à internet, que Ma mère vient de réactiver. Gros bisous. Parce que Fidel Castro est connecté. On sait qu'il, je suppose qu'il nous écoute. Il est connecté sur les internets. On a aussi, comment s'appelle-t-il, Pantera. Pantera qui est connecté également. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais en tous les cas... qu'il nous fasse signe. Oui, parce que j'ai un message de Fidel Castro d'hier qui disait qu'il lancerait à 6h. Hein. Et ben merci à lui. Merci, merci d'être d'avoir là, lancé. Encore une fois, on sait sur qui on peut compter, sur qui on peut pas compter. C'est ça, merci beaucoup. Est-ce que, voilà, c'est quand même cette heure-là, elle est censée être consacré à une revue de presse. Il est beaucoup trop tôt pour qu'on ait acheté les journaux. Mais Internet existe. Mais oui, et c'est quelque chose d'assez exceptionnel, les Internets, finalement, qui permettent d'avoir accès à moultes informations sans même se déplacer. Ça peut faire devenir feignant. Hein. J'ai peur de ça, moi, tu sais, Benny. Ouais. Bon, alors, on va essayer de vous faire un petit état des lieux de ce qui se dit sur l'Internet, mais en tout cas, plus spécifiquement sur les sites d'information. Oh oui. Donc là, j'ouvre Libération, par exemple. Bon. Voilà, je ne vais pas forcément vous lire tout. C'est du direct de la réaction à chaud. Hein. Voilà, alors Libération, ils ont un site très ergonomique, là, je m'en rends compte, si j'y vais jamais. C'est bas, c'est beau. Alors, Libération, mobilisation, gilets jaunes à Paris, des émeutes inédites depuis 68. Alors ça, on l'a entendu déjà quand même pas mal, en subjectif, à même l'émeute et à même les réactions des gens. Ça y est, c'était comparaison directe avec mai 68. Ouais, bon, ça, c'est sur toutes les lèvres. C'est... non mais c'est vrai, il y a ce truc de c'est historique, on n'a jamais eu ça depuis mai 68. Bon, je ne sais pas, après hier j'avais cette discussion justement avec Corentine, je disais qu'en 68 il y avait peut-être moins de smartphones aussi, et du coup on peut peut-être moins se rendre compte du degré de violence. Et ça se trouve c'était plus violent, elle me disait que c'était pas aussi violent en 68 selon elle. Voilà, donc ça, on va peut-être pas faire de la comparaison d'histoire. C'est une autre situation, d'autant plus que, encore une fois, il y a un truc de mai 68 où c'était beaucoup de gens qui étaient très très très politisés de base, alors que là, on a justement cette espèce de truc de gens qui partent d'une base qui est un peu plus dépolitisée, et c'est dans leurs actes qui sont politisés, donc c'est pas vraiment comparable, je pense, aussi bien en termes d'intensité que d'intention, finalement. Tout à fait, on peut souligner quand même, parce que j'imagine que ça va être la fête des titres drôles, le titre à la une de, enfin pas la une du journal, hein, mais là la une de l'article, Macron pris dans les mailles des gilets. Ouh, excellent. C'est pas mal. Et la une de Libé est assez jolie, pardon, c'est le matin, c'est un œil de Macron pris, pris au piège dans de la peinture jaune et c'est marqué submergé. Ouh. Libération, toujours au top. Mais c'est vrai que c'est un truc auquel tout le monde a pensé, c'est il avait pas mal de voyages qu'il avait successivement durant le mouvement Gilets jaunes, et à chaque fois tout le monde se disait mais qu'est-ce que les gens peuvent bien lui dire alors que ça a l'air d'être le chaos dans son pays, comment il fait pour garder un peu bonne tête sur les épaules. Voilà, c'est ça. Et ben je ne sais pas, mais en tout cas Libération aussi sur Facebook, on voyait tourner là depuis hier, enfin je vois tourner depuis hier la une de l'après premier tour de l'année dernière des présidentielles, où c'était marqué, il y avait une photo de Macron et c'était marqué en gros faites ce que vous voulez mais votez pour Macron. Bon après pas... c'était un moment spécial là. Moi aussi j'ai quelques petites infos notamment je sais pas si vous avez vu que ils sortent un nouveau Roi Lion. Donc il y a eu le Roi Lion officiel, le dessin animé qu'on connaît tous. Et ils vont nous sortir un petit Roi Lion qui est fait avec des vraies images, en fait, des images de vraies créatures, hein, beaucoup plus réalistes, mais exactement le même plot, exactement les mêmes mises en scène, etc. etc. Et donc c'est un live action, donc on appelle ça un live action. Et du coup, la bande-annonce bat un record. Avec 224,6 millions de vues dans le monde. Voilà, je sais pas trop, j'ai pas d'avis sur ce live action de Roi Lion. Ah, alors que voilà, alors là, Fidel Castro. On le voit entrer dans le studio. Ah là là, toujours aussi beau et élégant. En tous les cas, c'est qu'il y a une espèce de flegme. Et en même temps, dans cette espèce de coupe de cheveux négligée, il y a une classe, il y a un truc. Il y a un autre truc aussi, c'est qu'il y a le truc des artistes qui soutiennent les gilets jaunes là. Attends, t'as pas allumé ton micro, vas-y. Et alors du coup... C'est juste merci. Ah. Du coup, on a du très lourd qui soutient les gilets jaunes, qui sont en tout cas montrés publiquement leur soutien. On a quand même Franck Dubosc. J'allais dire oui. On a Jules, on a Kaharis. Ah, on a Jules. On a Brigitte Bardot, on a Michel Polnareff, on a Pierre Perret. Du coup, je pense avec autant de numéro 10 dans sa team, je vois pas comment ça peut être un mouvement... Il y a aussi à l'évêque, l'espèce d'humoriste machin, et je l'ai vu sur un plateau télé dire des trucs pas mal quoi. Ok. Hey. Donc merci. C'est plutôt cool. Notamment, il disait, de ma vie, j'aurais jamais cru soutenir le même truc que Brigitte Bardot. Eh ben, le monde est tellement, c'est tellement n'importe quoi l'époque actuelle que maintenant c'est possible. Est-ce que je vous mettrais pas un petit Michel Polnareff pour faire un petit peu de musique? Bah ouais, juste avant que tu mettes là un petit Michel Polnareff, il a sorti un album là. Il a sorti Michel. Un album qui ne fait vraiment pas du tout l'unanimité. Ça veut dire qu'il a envie. Déjà. Donc déjà son album, il me semble qu'il s'appelle quelque chose du genre Enfin, parce que ça fait vraiment très très longtemps que les gens l'attendent en fait. Ah oui. Et en fait les gens ont écouté et ils ont dit bah c'est de la daube en fait. Et tout le monde est assez déçu du dernier album de Polnareff. Ok, merci pour cette info. Je vais pas l'écouter le dernier album, je vais mettre Lettre à France, tant qu'à faire. Eh bah vas-y. Allez. Parce que finalement, Michel à cette heure-là, c'est un peu stressant quand même. Ça a commencé fort. Moi, j'ai une info sur le foot. Alors, sur l'Euro 2020. On s'en fout un peu, mais la France connaît son groupe, si vous voulez, de qualification pour l'Euro. France, Islande, Turquie, Albanie, Moldavie, Andorre. Grosses équipes. Des grosses, grosses équipes. L'Islande, quand même. Et on parle de football, et du coup, très rapidement, il y a eu une espèce de soirée tapis rouge pour la soirée de l'homme de l'année du magazine GQ. Et du coup, il y avait Didier Deschamps qui était nominé, évidemment, pour faire partie de cet homme de l'année. Et il s'est affiché avec au bras de qui ? De Christiane Taubira. Mais oui, je vois. Voilà, c'est assez surprenant. Ils ont l'air d'être plutôt... plutôt coquin tous les deux, hein. Ça a l'air de bien se passer. Hein. C'est un couple improbable. Effectivement, je m'attendais pas. On rappelle Christiane Taubira, ancienne ministre sous François Hollande. Oui, OMG. Exactement. Je ne dirais que ça. C'est vrai que ça mérite un petit OMG. Mais c'est étonnant. Ok. Je dis bien étonnant. Christiane Taubira nommée femme politique de la décennie. Ah ouais. Ouais. Bah, dis donc. Je me rappelle même plus. C'était quoi ça, son ministère? C'est la justice. Ouais, c'est ça. Justice. Vous y connaissez en justice. Hein. Est-ce qu'on continue? Oui, bien sûr. Un tour des journaux mainstream. Vas-y, vas-y. Le Monde. Alors, Le Monde, c'est beaucoup moins joli que Libération déjà. C'est moins ergonomique. La Une. Après les violences du 1er décembre, le gouvernement face à une crise majeure. Ils ne se sont pas foulés. Hein. C'est la simplicité. Juste à côté, une petite tête de Salvini, l'Italie sous la botte des ultra-conservateurs. Nous, on a sur le magazine Elle, évidemment, le Happy Birthday, les photos les plus cool de Jacques Chirac. Ah oui, combien? Quel âge? Eh ben, oula, je saurais pas te dire exactement. Je crois qu'il est, c'est sûr qu'il est né le 28 novembre. Il fêtait ses 86 ans. Voilà, retiré depuis plusieurs années de la vie publique. Et bon, il y a vraiment des photos quand même qui sont vraiment classe. Hein. Ah ouais. C'est vrai que c'est un petit peu devenu un mème, Jacques Chirac. Ouais. Est-ce que vous voulez écouter le fameux You want me to go back to my plane? Ouais, ok. Papa, vas-y. Ça fait toujours plaisir. Je le lance. Direct qui va marquer l'opinion. Le 22 octobre 1996, Jacques Chirac laisse éclater sa colère dans les rues de Jérusalem face à un service de sécurité particulièrement oppressant. Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go. Voilà. Il a un bon accent, mine de rien. Ouais. Il roule les R, en fait, un peu. Il parle un peu anglais à l'indienne. Vous savez d'ailleurs qu'en Palestine, pour cet épisode-là, là, à Jérusalem, il est très, très apprécié encore aujourd'hui. Mm-hmm. Et les Palestiniens connaissent tous Jacques Chirac et adorent Jacques Chirac. Okay. Voilà, petite anecdote propale, comme on dit. Excellent. Alors, on continue ou est-ce que tu as quelque chose à nous, ouais, à nous donner? Ouais, j'ai... Alors, du coup, je sais qu'il y a plusieurs médias alternatifs à Rouen. Il y a Rouen dans la rue, il y a à l'Ouest, et puis il y a aussi 76 Actu. Et donc, 76 Actu, ils nous proposent ça ce matin. Ils nous proposent « Les femmes dorment mieux avec un chien plutôt qu'un humain ». Et donc, il y a un article... Voilà, qui est assez documenté, hein, qui fait à peu près 6 lignes. Est-ce que c'est Simon Louvet qui a signé cet article ? Non, c'est signé par Maxime Gilles. Alors, merci Maxime Gilles. À la base, c'est un retweet de l'Actu Toulouse, puisque c'est un réseau, hein, avant tout, 76 Actu. Ah oui, c'est comme Mutu, on en a parlé hier. Exactement, d'accord. C'est le même concept, hein, finalement, mais excellent. Avec des sujets un petit peu plus... Eh ben, je sais pas quoi dire à ça. Je sais pas quoi dire. Je ne sais guère non plus, mais bon, voilà, c'est toujours bien de le savoir. Après, là, sur Le Monde, là, si on continue un peu à descendre et qu'on tape les articles moins intéressants, on apprend que Fabrice Nicolino, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, je suis anarchiste. Voilà, c'est le titre de l'article. Boom. Je sais pas si ça vous intéresse, mais il a lâché ça. Le mec est foufou. Ah oui, on a aussi la mort de George Bush père. Oui. Ce week-end. Ah, bonne nouvelle. Très vieux. Hein. Bonne nouvelle. 90 ans. Je crois que. C'est vieux. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il y avait eu George Bush père, c'est pas lui qui dit un truc du genre. Je vais le dire de manière trop approximative, mais je crois qu'il y a une citation qui dit si les concitoyens étaient au courant de la moitié des secrets politiques, l'entièreté de l'Amérique se soulèverait et on serait sous une guerre civile, un truc comme ça. Ah ouais. Ouais. Le mec était chaud du... Bah, il assume chaud que... de la vérité, quoi. Ouais. Et par contre, moi, j'ai juste une petite intervention. C'est, vous savez, j'ai des publicités sur 76 Actu, des publicités qui sont censées être intelligentes et qui me sont dirigées. Et là, en fait, j'ai des pubs pour Tenamen, garder le contrôle sur vos fuites urinaires. Hey. Des échantillons gratuits, on peut cliquer. Donc, c'est peut-être le moment aussi de se faire plaisir. Comment ça se fait qu'ils proposent ça? Voilà, c'est la question que je me pose. Je ne sais pas ce que j'ai pu taper comme merde. Moi je continue, on va s'écarter un peu de Rouen là, comme je sais que ma mère écoute et qu'elle est à Besançon, je vais lui faire un petit état des lieux de c'est quoi l'Est républicain, ça a l'air d'être ouais. ça sonne mal hein, comme journal. Ça va. C'est pas tété. Alors concours en une, oh, c'est intéressant. Concours Miss France, c'est un immense défi à relever selon la Miss France de selon la Miss Franche-Comté, voilà. C'est juste ça. Et okay. C'est tout. Ouais. Gilets jaunes à Besançon, des débordements ont eu lieu samedi. Ouais, c'est minimaliste. C'est bien, moi je trouve ça intéressant. Ok pour Besançon, on a fait le tour. L'Obs, Nouvel Observateur, en une. Alors là, ils ne se sont pas rendus à Paris apparemment. Exclusif, voilà à quoi va ressembler le futur concours d'entrée à médecine en une. Voilà. On voit un mec en capuche d'ailleurs sur la photo. Bon, il a pas l'air stressé. Hein. On a un article d'Alouest.info qui nous dit les Champs-Élysées définitivement la plus belle avenue du monde. Très joli titre. Voilà, ça vient juste de sortir. Hein. C'est encore une fois, c'est tout chaud. Dit, ouais. Je vous conseille de jeter un œil si vous voulez des petits bouts de ce qui a pu se passer. Les photos sont très jolies d'ailleurs. Ouais, Haussmann, tu as voulu l'ordre, tu récoltes le chaos, notamment. Notamment, on va se mettre une petite chanson. Ouais. Je pense que vous aimez pas trop, mais c'est pas grave, c'est les Smiths. Oh, si, ça passe. Ouais, ça va ? Ok, c'est allez, cool. C'est mignon. Mmh. but it's only days, so I'll meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side. I dread it's sunny days, so I'll meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side. Wild, wild is on mine. So we go inside and we gravely read the stones. All those people, all those lives, where are they now? Are with the loves and hates and passions just like mine? They were born and then they lived and then they died. So unfair, I want to cry. You sir, thrice the sun done salutation to the dawn, and you claim these words as your own. But I've read well and I've heard them said 100 times, maybe less, maybe more. If you must write pros and points, the words you use should be your own. Don't plagiarize or take on. Est-ce que vous voulez un petit jingle? Ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté un petit jingle. Vas-y, tu t'es pas embêté à faire ça pour rien. Hein. Mais par contre, attendez, ça va continuer. Je trouve plus tes jingles. Oh, c'est pas pro ça. C'est New Palette. Ouais, il y a du New Palette, il y a du Palette. Oh, c'est pas grave. Sinon, je vais mettre. Bravo, les gars. Je vais mettre Tomek. Ouais, vas-y. Salut. Ah non, c'est moi ça. Ah, je vais mettre ça. Toi, sois couché. Voilà, Tomek en grande, grande forme à ce moment-là. On l'embrasse. On continue du coup sur cette petite session revue de presse où on se balade en fait sur les internets. On vous parle des articles qu'on voit, on vous donne des infos, on réagit un petit peu à chaud. Il y a un site d'actualité qui s'appelle Le Gorafi, qui est un site assez sérieux, qui nous dit dans son dernier article « Polémique, des traces de McDonald's retrouvées dans de la matière fécale ». Je pense que c'est un article qui est à suivre. Je crois que c'est un article qui rebondit. Ils ont ressorti l'article parce que justement, il y a eu, je pense que c'était vendredi ou jeudi, ils ont trouvé la matière fécale dans du McDo, justement. D'accord. Voilà, enfin, c'est pas pour. C'est drôle quand même. Oui, oui, c'est bien. Moi, ça me plaît comme humour. On peut continuer sur un tour de l'actu, là, plus sérieusement. Sur Google Actu, ce qui donne un peu le ton. C'est vrai qu'on parle essentiellement des gilets jaunes, donc c'est difficile de s'en sortir là tout de suite, de parler d'autre chose. Tout a l'air de nous relier à ça, à part un article qui donne un peu des nouvelles de Carlos Ghosn, le PDG, enfin l'ex du coup PDG de Renault, dans tribune.fr. J'ai pas envie de cliquer en fait, mais. Mais t'es pas obligé. Hein. Voilà. Sinon, il y a Yann Moix qui s'en est pris à Matt Pokora chez Ardisson. Ça a l'air intéressant, ça. Ah, c'est le blog de Jean-Marc Morandini en plus. Oh, peut-être que j'ai cliqué quand même. Bah, vas-y, clique le temps de. Voilà, et tu tries un peu parce qu'il y a à boire et à manger. Moi, je peux vous parler d'un truc, c'est qu'il y a un couple qui avait fait tomber sa bague de fiançailles, donc à New York, hein, fait tomber sa bague de fiançailles, les bagues de fiançailles dans les égouts. Et c'est la police de New York qui a retrouvé, finalement. La bague. Alors du coup, la scène a été filmée par une caméra de surveillance de la ville disposée à proximité, permettant à la police de se lancer à la recherche de la bague, puis du couple. Elle a dit oui, mais il était tellement excité qu'il a laissé tomber la bague à travers la grille, a tweeté la police new-yorkaise. Nos agents l'ont retrouvée et aimeraient la rendre aux heureux élus. Vous nous aiderez à les retrouver, écrivent-ils encore. Donc finalement, la police new-yorkaise, que des good cops. Oui, puis ça critique la vidéosurveillance, mais quand même... Finalement, ça sert. Voilà. C'est utile. Tout ça, pour ça. À faire classer, a tweeté la police new-yorkaise ce dimanche. Et bah, comme quoi, hein. Pendant ce temps-là, en France, ça galère. Oui, j'ai appris ça aussi. C'est à la fois impressionnant et dans l'actu. Vous connaissez Hugo Clément ? Oui. Ah, voilà, ouais. Combini, là, maintenant. J'ai vu. Vous avez vu ? Il s'est pris un flashball. Ouais. En pleine arcade sourcilière. Mais la vraie information, c'est que sa meuf, c'est une ancienne Miss France. Ah ! C'est fou, ça. Ça, c'est une info qui est de valeur. Mais par contre, il s'est pris un flashball, ça a pété sa visière de moto, de casse de moto. Ah oui, il s'est arrêté à moto, ça. Il s'est arrêté pour filmer. Pour prendre la photo de la barricade. Il allait boire un verre. Coup de bol qu'il n'ait pas enlevé son casque juste avant. Ouais, mais tu te dis, si déjà il y avait il y a 7 points de suture avec un casque. Ouais. Il y a aussi la vidéo du mec qui se prend la grille qui est dans le coma, là. Ouais, ça c'est dramatique. Ça fait très très mal, ça. Ça, c'est dramatique. À voir. Bon, sinon, il y a le Figaro. J'ai toujours pas dit ce qui se passe en une du Figaro. Mmh. Alors, le Figaro.fr, gilet jaune, 2 points. Emmanuel Macron cherche la sortie de crise. Mmh. Et là, on voit une photo où, effectivement, lui a l'air plutôt serein sur les champs. Par contre, il Castaner, mmh. Oui, cherche la sortie. Pardon. Par contre, Castaner, ça va pas du tout là. On sent que il est fébrile. Ouais, il s'attendait pas à ce que ça prenne de l'ampleur comme ça en 2 semaines, je pense. Et mais en même temps, il y a beaucoup d'articles qui sont à base de comment le gouvernement a mal géré sa communication, comment ils ont mal géré. Enfin, vraiment, il y a. Ouais, et puis en plus, ça fait pas longtemps qu'il est là. Je pense qu'il espérait un poste depuis longtemps. Et puis là, mauvais. Et il y a une grosse bavure là. Enfin, en tous les cas, il y a quelque chose qui est, y a une espèce d'appel qui est le fait qu'il y ait un fusil d'assaut qui a été pris par de marque HKG-36. Ils ont profité de la confusion occasionnée pour voler le fusil. Un appel sur les ondes des forces de l'ordre a été lancé pour retrouver ce dernier. Ça, c'est quand même grosse bavure, quoi. Les types, ils perdent leur arme. Alors, pour le coup, là, j'ai... Ils se ridiculisent après en faisant un petit appel. En disant, oh, les gars, si vous retrouvez notre arme, c'est quand même plutôt cool si vous nous le rendez. Et ça, ce qui est fou, c'est que dans la manif, il y avait déjà le... Comment on appelle ça ? Enfin, il y avait déjà cette rumeur-là qui sortait. C'était sur toutes les lèvres. Ouais. Je pouvais reprendre ton info. Oui. Et ça s'est vérifié ensuite, effectivement. Et c'est... Mais je crois... que c'était un moment où des policiers étaient retranchés derrière leur fourgon. Ils se sont fait vraiment, vraiment bien caillasser. Okay. Ils étaient obligés d'abandonner le fourgon. Ils se sont fait pouiller tout ce qu'il y avait à l'intérieur. D'accord. Ils sont revenus chercher le fourgon. Ils sont partis avec, mais il n'y avait plus rien à l'intérieur. Voilà, donc on ne sait pas trop. Quand même, c'est dingue déjà qu'ils aient ça dans leur fourgon, tranquille. Et d'ailleurs, vous avez vu ou pas le... Qu'ils puissent le laisser, quoi. Il y a des vidéos où on voit des snipers sur les... Non. Je te jure. Truc de fou. À la fin, sur les toits autour des Champs-Élysées. Après, qu'est-ce qu'ils font ? Ils n'ont pas le droit de tirer, quoi. Bah, ils tirent s'ils voient des types qui utilisent le fusil d'assaut, à la rigueur, c'est ça ? Je sais pas. Non, mais c'est peut-être pour bêtement filmer tout ce qui se passe. C'est peut-être du renseignement. Filmer enfin, à la lunette ? Ah, mais j'ai pas vu s'ils avaient ce qu'ils avaient sur le comme ils ont des snipers sortis, quoi. Ouais. Ils regardent à la lunette. Sniper, hashtag Metal Gear Solid. On a aussi, enfin presque rien à voir, France Info qui nous parle des raviolis qui contiennent très très très très peu de viande finalement. C'est un plaisir à nos amis végétariens. L'espèce de farce donc, qui est dans le ravioli, il y a à peine 10% de viande et 90% de plein de merde qu'ils ont mis pour que ça ait l'air de la viande. Et ben voilà. Bah voilà, ça fait plaisir. Finalement. Et non, voilà, c'est tout. Et tu as les coraya là, comment ça s'appelle ? Oui, le truc de surimi là. Surimi, ouais, pardon. C'est pareil, non ? On n'a pas le pourcentage ? Et bah j'ai pas là tout de suite. Ça aurait été bien de pouvoir comparer, c'est dommage. Alors je reviens au gilet jaune, du coup, parce que moi là j'ai que ça. Hein. Je sais pas où tu trouves tes articles, mais je suis ravi d'apprendre tout ça. Le Figaro toujours, gilet jaune, ma compagnie a tiré plus de 1000 grenades lacrymogènes, témoigne un CRS. Oh. Le pauvre. Quel était le profil de ceux qui vous faisaient face? Il y avait bien sûr du Black Bloc, mais beaucoup d'autres individus n'avaient pas des profils d'extrême gauche ou d'extrême droite. Mmh. Voilà ce qu'il peut dire, entre autres. Voilà pour le Figaro, hein. Moi j'arrête. T'arrêtes pour le Figaro pour le moment? Ouais, bah, du coup, je peux prendre la... Je peux prendre le relais temporairement. Alors, on a eu un truc, bon, évidemment, c'est passé un petit peu inaperçu, mais le créateur de Bob l'éponge qui nous a quittés avant-hier, je crois, quelque chose comme ça, on en a très très peu parlé. Ouais, éclipsé par, par le. Bah oui, mais c'est quand même triste parce que les... ah, mais oui. c'est l'enfance de beaucoup de gens, quand même, Bob l'éponge. Ah, Angèle, notamment, hier, avait l'air bien touché. Et ensuite, on a Spyro. Spyro le Dragon qui va sortir une trilogie, donc remasterisation de tous les anciens Spyro dans un seul Spyro, très très beau. D'accord. C'était des jeux ça. C'était un jeu vidéo ça, ouais, hein. Où tu joues à un dragon et donc ils vont sortir sur la PlayStation 4 la trilogie Spyro 1, 2 et 3 en remasterisé. Et bah dis donc. Je vous conseille parce que moi j'y ai joué à l'aéroport de Singapour et ça m'a fait vraiment plaisir de jouer à ce jeu. Spyro Trilogy en avant-première, ça m'a fait, ça m'a Madeleine de Proust, comme on dit. Mais est-ce que c'est parce que c'était en avant-première ou est-ce que c'est vraiment le jeu qui t'a fait C'est parce, en fait, c'est parce que j'ai déjà tellement joué au premier niveau et là c'était le premier niveau du premier Spyro, j'étais trop content d'y jouer. Là c'était, en fait, le fait que ce soit bonne qualité, c'était pas très important, c'était juste le même niveau, les mêmes trucs. J'ai repris un peu les sensations. Que j'avais quand j'étais enfant. Tu t'es plongé dans un souvenir. Ben ouais, Spyro le Dragon. En plus, ça faisait partie des premières publicités de jeux vidéo. Je sais pas si tu te souviens, mais vraiment, ça date. Première publicité de jeux vidéo qui s'adressait un peu à un public simili-adulte. C'était un truc, le gosse jouait à la console sur son ordi. Et tu voyais que les rideaux derrière lui étaient complètement en feu. Ce qui montrait qu'il y avait un dragon qui était passé et tout ça. Et t'avais vraiment ce truc de... D'habitude, c'était très, très infantilisant, en fait. Et là, c'était un premier truc avec une vraie mise en scène, un petit bout d'histoire. Et c'était pas un ado complètement débile. Il y avait un petit truc genre, c'est stylé de jouer aux jeux vidéo, en d'accord. Fait. Ah, moi, j'ai joué beaucoup à Crash Team Racing, surtout. Excellent. Voilà. Je défie quiconque, d'ailleurs. Tu défies quiconque tout court. Quiconque. De te battre. De me battre. Plutôt en mode course ou plutôt en mode, tu sais, bataille, où tu t'affrontes sur une arène. Non, c'est nul, ça. D'accord. Course, n'importe quel circuit. Ok. Pas ces trucs-là. Ah ouais? Non. Bah. Je sais pas, j'ai pas joué à ceux-là. Mais pourtant, t'es un joueur, toi. T'avais quoi comme console? Alors, ça, c'était sur PlayStation 1. Ouais, truc. PlayStation 1. Moi, j'avais la 64, c'est pour ça. Ah, c'est une autre team. Tu faisais partie de ça. Donc, toi, t'étais la team Mario Kart, finalement, exact. Quand nous, on était Crash. Tout à fait. Je vais mettre une petite chanson de TFN. Oh yes. Allez, c'est pareil, le temps que ça se charge. C'est un peu long quand même. Toujours un peu long à démarrer. Oui. Les Bretons ont des chapeaux ronds, les Parisiens ont le Panthéon, les Occitans ont Fos-sur-Mer et les Lorrains servent en Schreiber. Les Alsaciennes font des biscuits que l'on trouve aussi à Paris. À ces gens-là, on dit gaga, car ils n'ont pas ce que l'on a. La cancan, cancoyote, se peint mes bains flanc-contouais. Tout en dansant la gavotte, on se meurt la gueule à la douée. La cancan, cancoyote, ce n'est pas pour ces François. Quand ils viennent avec leurs bottes, on leur dit n'est ni ma fouée. Mon gars, tu prends le méton que tu verses dans le caclon. Avec de l'ail, avec du beurre, avec ton manche, avec ton cœur. Il faut touiller, ça c'est sûr, sinon ça devient de la confiture. La cancoyote c'est tout un art, et faut rien laisser au hasard. Et la cancan, cancoyote, c'est un mets ben franc-comtois. Tout en dansant la gavotte, on se beurre la gueule à l'argouet. La cancan, cancoyote, ce n'est pas pour ses françois. Tout en flottant la charlotte, on la mange avec les doués. Si avec Charlotte tu vas plus loin, mais de la cancoyote sur le traversin, je te jure mon pote, ce truc c'est dingue, ça te fout le vertige pour le bastringue. Mais va pas le dire aux étrangers, sinon ils viendraient nous la piquer. Alors fini la cancoyote, on ne la trouverait que dans les sex shops. Et la cancan, cancoyote, c'est un mets ben franc-comtois. Tout en dansant la gavotte, on se beurre la gueule. de mal à l'ouer. La cancan, coyote, ce n'est pas pour si François. Tout en flottant la charlotte, on la mange avec les doués. La cancan, coyote, ce n'est pas pour si François. Quand ils viennent avec leurs bottes, on leur dit nenni ma foué. Reparti, ça se finit plus tôt que... Ouais. C'est incroyable ça, c'est un mauvais clip. Allez, je vous lis une petite banderole que oui. J'ai vue. Donc j'ai vu sur Facebook là. Banderole gilet jaune, particulièrement bien écrite. Macron, si au crépuscule tu te réveilles avec quatre testicules, ne te prends pas pour Hercule, c'est un gilet jaune qui t'encule. Ah ouais, on est toujours dans ce registre là. À la fois... assez peu fin, mais il y a eu un effort quand même. Ils ont voilà. Ouais, c'est un mélange de poésie et de gilet jaune. Gilet jaune, ouais. Tout ouais. Simplement, en toute simplicité. Ok. Quatre testicules. J'ai du mal à rebondir. Merci pour. Ça me fait penser à l'épisode de South Park et le mec a une grosse testicule quand tu me dis testicule et rebondir. Je sais pas si t'es fan de South Park. Non, je disais ça à quelqu'un ce week-end. Tu ne l'as jamais vu. Un seul épisode à part celui sur les roues. Ok. Ah ouais. Qui t'a pas plu plus que ça? Si, je trouve ça drôle. Mais je suis pas un grand fan de ce genre de dessin. Du coup, j'ai du mal à. Voilà. Est-ce qu'on a une sortie ciné, un point actu peut-être? Sortie. Alors. Musicale, je vais aller sur Deezer. Moi. Ouais. Bah, je peux vite fait faire un petit point sur les séries. Très rapidement, juste les top séries de la semaine. Mmh. On a la vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui est une série policier, thriller, etc., qui est vraiment un truc qui fait gros buzz si vous savez pas trop quoi regarder. Et ça, c'était un livre à la base, non ? Oui, c'est ça, c'est adapté d'un livre. Et puis après, en mode un petit peu plus amusant, on a 10%. Il y a pas mal de gens qui en discutent aussi de ça, de la série 10%. Tout à fait. En top série, on a Hippocrate, où on suit des espèces de gens qui vont devenir médecins, qui sont internes en médecine et qui subissent un peu... aussi bien la réalité de ce que c'est être médecin, des trucs un petit peu de bizutage, trucs d'abus de la hiérarchie, etc. Un petit pitch pour 10%. Un petit pitch je pour sais pas ce que c'est. Ouais carrément, un petit pitch pour 10%. Quatre agents de comédiens, alors c'est pas très bien traduit, aux personnalités haut en couleur et aux vies personnelles compliquées se battent au quotidien pour trouver les meilleurs rôles pour leurs prestigieux clients. Quand Camille, la fille illégitime de l'un d'entre eux, débarque à Paris pour chercher un boulot, cette dernière est alors plongée dans le quotidien mouvementé de l'agence et nous fait découvrir, à travers son regard naïf, les dessous de la célébrité. Ok, le pitch fait pas rêver. Ça donne pas hyper envie. C'est avec Thibaut de Montalembert. Voilà. Beau. Mais c'est avec plein d'acteurs connus. Dans chaque épisode, c'est ça. Un acteur qui joue son propre rôle. Exactement, ouais, c'est ça le concept. C'est ça le plus intéressant. Ouais. En termes de sortie musicale de CD, c'est pas foufou. Comme tu disais, il y a le Michel Polnareff, exact. Enfin, qui apparemment ne fonctionne pas. On a aussi le nouveau Mylène Farmer, Désobéissance. Ah ouais ouais. Désobéissance. Ah mais non, c'est une nouvelle édition. Alors peut-être qu'elle a. Enfin, je non, ne sais elle pas. A fait des nouveaux trucs. Je l'ai vu. Je sais plus sur quel plateau télé ou un truc comme ça. Et ouais. Aussi le nouveau David Hallyday. Oh. J'ai quelque chose à vous dire. Ah. Voilà. Ouais, un truc dans l'actu musical qui est pas une sortie en tant que telle, mais dans le même truc de bid musical, un peu sur le même registre que Polnareff, on a Lauryn Hill qui a fait un concert à Paris, donc pour le début d'une nouvelle tournée quoi. Qu'est-ce qui se passe là? C'est mon téléphone qui sonne, je crois. Ouais. Et oui, c'est mon alarme, mais je suis déjà réveillé, monsieur. Je disais donc, elle a fait un concert. Et en fait, elle est arrivée. Donc, les places, ça se vendait à peu près. Donc, c'est 50€ minimum. Mais évidemment, c'est monté très, très vite parce que les places sont parties rapidement. Et en fait, elle est arrivée hyper à la bourre. Il y a une espèce de type qui s'est retrouvé à faire du stand-up un peu comique en attendant. Le gars s'est fait huer en continu. Elle a pas commencé avant, je sais pas, genre 21h30, un truc comme ça. Et en fait, elle a pu faire à peine 45 minutes de concert. Après, les gens l'ont hué, elle a dû partir. Enfin, j'ai déjà entendu ce genre d'histoire. Hein. C'est pas la première fois que Lauryn Hill fait ça. Une prestation peu convaincante. C'est dommage. C'est dommage, hein. Ok, bon là, il est 6h40. On peut toujours reparler des gilets jaunes, parce qu'il y a tout un tas de trucs à dire. Voilà, vas-y, de temps en temps, tu vois, tu saupoudres. Est-ce que vous voulez que je mette une petite vidéo d'une minute du chef de la police à BFM TV, enfin, du chef de la police du syndicat Alliance? Ouais, vas-y, vas-y, ça peut être intéressant. C'est un cri de colère. Vas-y. Je vous laisse les micros, par contre. Ouais, pas de soucis. La lacrymo, ça fait pleurer que les policiers. Vous savez pourquoi ça fait pleurer que les flics? Parce que les flics n'ont même pas les protections pour se protéger contre la lacrymo. En face de vous, vous avez des personnes qui sont cagoulées, qui ont des protections face à eux, qui prennent n'importe quoi pour frapper du flic. Aujourd'hui, c'est inacceptable. C'est pas un coup de gueule, c'est une révolte. On parle de gilets jaunes, mais nous, on parlait de gilets bleus également. Si rien n'est fait demain, je vous le dis franchement, c'est vraiment un coup de gueule parce qu'effectivement, les collègues sont usés. On est au point de la rupture. Mais je vous le dis demain, si les policiers, les gendarmes, tous les gens qui sont sur cette, qui font face à cette insécurité, à ces systèmes de violence, si ces collègues-là, demain, il y a un point de rupture, on va comment? On fait quoi? Alors, Alliance, nous sommes le seul syndicat de police, en tout cas de notre corps, à avoir fait des propositions concrètes. On attend quoi aujourd'hui? Il y a une cellule de crise? J'ai rien entendu encore. J'ai rien entendu. Et demain, je vais dire quoi, mon collègue qui nous regarde aujourd'hui? On va dire quoi? Tout ce qu'on vous dit, on le remonte. On attend quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, l'administration va dire oui, je vous assure, dès samedi prochain, les flics seront équipés. Dès samedi prochain, vous ne serez plus à court de munitions. Parce que vous vous rendez compte aujourd'hui, les collègues doivent acheter eux-mêmes des gilets par coup, des gilets porte-plaques, ils doivent acheter eux-mêmes leurs gilets tactiques. C'est un scandale, c'est lamentable. Aujourd'hui, on n'arrête pas de le dire. Les collègues sont à court de munitions, vous vous rendez compte? Non, les policiers n'ont pas peur, mais ils sont inquiets. Vous savez pourquoi les policiers sont inquiets? Parce que ce sont des pères, des mères, des familles. Tout à l'heure, j'avais un autre collègue qui me disait, ma femme, elle a peur que je retourne samedi, elle n'est même pas sûre que je revienne. Et ben nous non plus, on n'est pas sûr que le collègue revienne. On n'est pas sûr que le collègue revienne. Aujourd'hui, ce que vous avez... Pardon. Moi, perso, j'ai pleuré. Et j'ai vomi aussi, par contre. Ouais. On sent qu'il y a une espèce de peur. Et puis, en fait, surtout, il y a une espèce de presque menace déguisée, dans le sens où... qu'est-ce qu'il dit, en fait, quand il dit... Quand nos collègues ils vont être au point de rupture, en fait, est-ce que ça veut dire ils vont craquer, je sais pas, moralement, et ils vont décider de plus aller travailler, ou est-ce que ça veut dire ils vont commettre une bavure et ouais. On vous aura prévenu d'avance, en fait, enfin, une espèce de, ouais. De double discours dans ce truc de ce qui tout double, en fait, voilà, c'est un peu et inquiétant. Vu que c'est Alliance, bon. En fait, on voit de quel côté ça penche. Quoi. Mais... Vas-y, explique-nous justement. Hein explique oh, bah, 38. Syndicat d'extrême droite, c'est quasiment le. Enfin, c'est celui qui est le plus visible dans les médias et qui systématiquement porte des positions d'extrême droite et hyper vénère et machin. Quoi. Bonne ambiance. Voilà. C'est des enculés, quoi. Ah bah, encore cette thématique de l'anus. Bah, voilà, oui. On ça reste suffit, là. Sur ce concept. Ah non, mais il n'y a rien de sexuel dans le... non, mais... de dire enculé. J'entends, hein. Mais c'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment. Un petit niveau météo. Un petit point sur la météo, peut-être. Allez. Aujourd'hui, à Rouen, on va pas non plus... Il pleut pas. Il ne pleut pas, mais il y a quand même une menace. Hein, menace. Là aussi, le syndicat de la météo nous parle de menace de pluie, quand même. Dame. Mais 13 degrés, ce qui est quand même pas négligeable pour un 3 décembre. Est-ce que vous voulez parler du réchauffement climatique, peut-être? Il y a pas beaucoup de choses en ont déjà été dites. Il y a pas mal d'articles qui sont intéressants. En tous les cas, ce que je vous conseille, c'est de regarder une vidéo sur les YouTube. Vous tapez ne pas prendre de douche courte. Je sais plus exactement c'est quoi l'intitulé exact. Arrêtez de prendre des douches courtes, ça s'appelle. Ouais, qui est une vidéo assez courte d'une dizaine de minutes et qui sort un peu du discours très très culpabilisateur de c'est ta décision individuelle. C'est une succession de petites actions et ta responsabilité qui feront que peut-être on réussira à tenir un an, deux ans de plus et du coup qui replace la question sur quelque chose de beaucoup plus une réflexion sur le monde, sur le système, etc., etc. On a un message d'un auditeur qui dit arrêtez les ouin-ouin des flics au réveil. Ah oui. Voilà, on s'excuse. Hein. Il approuve ton documentaire. Excellent. Ceci dit, je remets une petite chanson, il est 45, puis ouais. après on va pouvoir vous expliquer la suite. C'est ouais, ouais. Oasis, Fucking in the Bushes. Fucking in the Bushes. We put this festival on you, bastards. Oasis qui fait plaisir. Alors, plusieurs petites informations. On arrive bientôt à la période de Noël. Et alors, j'ai quelques petites news. On a dans le Puy de Dôme à Viverolles des petits plaisantins qui ont dérobé l'enfant Jésus qui trônait dans une crèche pour le remplacer par une endive. Voilà. Et, sauf que ça a fait une un gros scandale en fait, parce qu'il avait déjà été volé en 2012. Oh non. Et remplacé par quoi ? On nous dit c'est une. Bah je sais pas par quoi il a été remplacé. Et c'est écrit c'est hors de question de laisser passer ça encore une fois. Et donc il y a une grosse enquête pour essayer de retrouver le petit Jésus. Je sais pas s'ils ont fait des analyses sur l'endive pour essayer de retrouver les coupables. C'est où tu m'as dit ? C'était à Virevolles, dans le Puy de Dôme. Ouais, dure époque pour le Puy de Dôme. Voilà, après, toujours dans la même thématique, il y a tout un quartier dans le comté de Birmingham, dans la région du West Midlands, en Angleterre, qui se sont réveillés ce matin même avec des cadeaux de Noël. En fait, il y a un Père Noël qui s'est baladé dans tout le quartier. Il avait glissé une enveloppe d'argent liquide dans des boîtes aux lettres dans une soixantaine de maisons. Il s'agirait d'un acte aléatoire de bonté. Cool. De bonté. Voilà. Ni plus ni moins. Est-ce qu'on peut lui donner notre adresse au cas où ? Ce serait cool. Peut-être il écoute. Et donc 50 livres sterling pour tout le monde avec un petit message. Jésus vous aime. Eh ben, je mets cool. Je clique sur un truc. Vas-y, clique et en attendant. Il s'appelle Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom. Je viens de vous le dire, juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste ? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Voilà, c'est okay, quand t'as dit Noël, ça m'a fait penser à Boule de Noël. Pourquoi tu as cliqué là-dessus ? OSS 117. Blanc, Noël, je peux comprendre. Ouais. Non. C'est pas le bon extrait. Toujours sur la même thématique, du coup, on a un article qui date de fin octobre, mais bon, vous nous pardonnerez. Y a un petit job saisonnier en Finlande, pour ceux qui voudraient. Un tour opérateur recrute des elfes parlant français pour guider les touristes dans les grands espaces lapons. Donc vous serez déguisé en elfe et puis vous allez vous balader en traîneau avec des grands élans et faire croire que vous faites partie de la famille du Père Noël. C'est payé combien ? Alors, je cherche ça pendant que je suis en train de te parler. Vous savez que moi, j'y suis allé là-bas, à Rovaniemi, d'accord. Dans le village du Père Noël, il y a très longtemps, en décembre, quand j'étais Erasmus en Estonie. Mm-hmm. J'ai fait un tour en Finlande, et notamment à Rovaniemi, en plein mois de décembre. Okay. Et j'étais au village du Père Noël. Ah. Effectivement, c'est un gros truc, c'est un gros business. Okay. J'ai pris une photo avec le vrai Père Noël. Ah ouais, avec l'officiel. Et ouais, il était très bizarre d'ailleurs. Bon, ça nous dit qu'en tous les cas, la prise de poste est prévue fin novembre 2018. Le contrat dure jusqu'à janvier 2019 et que le salaire n'est pas précisé dans l'annonce. Désolé. Ah, en tout cas, la Finlande, ça doit être quelque chose. Oui. Je vous fais un petit quiz des meilleures ventes de livres sur Amazon. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez. En premier, alors ? À votre avis, c'est une bande dessinée qui vient de sortir un nouvel épisode, un nouveau tome de bande dessinée. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit ? Bah, peut-être des petits indices, que c'est une série, c'est une bande série, dessinée. C'est le tome 25 d'une série, je dirais. C'est pas un manga ? Non, c'est plutôt français. Plutôt dans la lignée des Tintins. Ah, un Blake et Mortimer ? Tout à fait, Blake et Mortimer, tome 25, La Vallée des Immortels. Ouh, je suis bon. Joli. Le deuxième, c'est un... Comment on pourrait dire ça ? J'imagine que c'est une autobiographie d'un personnage public. Est-ce que c'est un personnage politique ? Ouais, américain. Allez. Ah, bah, une biographie de Michel. Michel Obama. Bien sûr. Michel Obama. S'appelle devenir. Carton international, c'est le. Ouais, c'est la folie. Ah, j'ai trouvé. Fais attention avec la. Oui. Oh. J'ai trouvé un livre qui est trop bien, que j'aimerais bien si quelqu'un m'aime pour Noël, je voudrais bien qu'on me l'offre. C'est une compilation des tweets de Trump. En fait, c'est que ça. C'est que tous les tweets de Trump qui sont regroupés par date, par thématique et tout. Et j'ai juste lu quelques petits bouts dans une librairie. Et bon, le livre était trop cher, mais en tous les cas, si vous savez pas quoi m'offrir pour Noël, les tweets de Trump, ça peut vraiment me faire rire. C'est un bouquin parfait pour les toilettes. Ouais, oui. Je pense que ça se vend dans les mêmes genres de revues. Ouais. Tu peux feuilleter ça pendant que tu fais ta petite opération. Yes. J'espère que tu ne vas pas recevoir 10 d'un coup. Oui, hein, effectivement. Organisez-vous, vous communiquez un petit peu. Si tu en as 10, tu les offres aux autres. Et c'est voilà, ça. Tu fais tourner. Plaisir d'offrir, plaisir de recevoir. En 3, on a encore une fois une bande dessinée, là aussi plutôt français. Mais... Est-ce que c'est un style réaliste ou pas vraiment réaliste ? Pas vraiment, c'est très très connu. Est-ce que c'est plutôt humoristique ? Oui, plutôt cool. C'est du Lucky Luke ? Tout à fait, les aventures de Lucky Luke. Ils font encore des Lucky Luke. Un cow-boy à Paris. C'est fou. Eh mais je sais pas comment je fais pour être si bon. Bah moi je pense que c'est naturel. Je suis surpris de moi-même. Et du coup c'est Lucky Luke à Paris. Ouais. Ça n'a pas de sens. Un cow-boy à Paris. Un cow-boy à Paris. Et on voit sur la couverture la statue de la liberté en train d'être construite, j'imagine, avant d'être offerte. C'est ça le lien. Voilà. Ensuite, je vous le dis, en 4, on a Leurs enfants après eux, le prix Goncourt. On a en 5, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, poche. La du fameuse. Coup. Et toujours là, Harry Potter qui est ressorti dans une version Folio Junior, Harry Potter à l'école des sorciers en 6. Ok. Voilà, je pense qu'on peut arrêter là sur les livres. On peut arrêter là sur les livres, il nous reste 5 minutes, je fais très très très rapidement sinon le top 10 des jouets très attendus pour Noël 2018. Parce que voilà, alors un des trucs qu'il dit c'est que dans le petit article de 76 Actu toujours, c'est que les jouets coûteraient 20€ en moyenne dans ce qui est offert aujourd'hui. Il faut compter 20€ par jouet avec des écarts conséquents de 25€ pour le jeu de société Burger Quiz à 89€ pour la poupée Louvabella. Dans tous les cas, dans les jouets, là, je les découvre en même temps. Là, hein. On a un premier truc, le concept, ça s'appelle les poupées LOL. Donc, grosso, tu t'achètes une sorte de boîte et tu sais pas, c'est comme une sorte d'œuf en fait, et tu sais pas quelle poupée tu vas avoir à l'intérieur de l'œuf. C'est un jouet à fort potentiel de rupture de stock, nous dit 76 Actu. Ensuite, Simon Louvet, on a un gros retour des toupies Beyblade. Ah oui. Voilà. Et avec des nouvelles. Alors c'était déjà top des ventes depuis 2 ans, nous dit Frank Mateis. J'ai aucune idée de qui c'est. Sauf que là, on a des arènes de combat qui sont un petit peu plus chiadées. Ouais, parce là, que à mon époque, c'était juste des sortes de bols. Ensuite, le château Poudlard Harry Potter en Lego. Harry Potter, voilà. Toujours. On a un truc qui est un peu un concept de nous. On appelait ça des Kennex. Ils appellent ça des Gravitrax. Mais grosso, c'est la même chose. C'est des espèces de trucs qui s'emboîtent. T'es trop petit pour vraiment comprendre le mode d'emploi, mais ça te fait marrer parce que voilà, les trucs sont magnétiques en fait. Hein. Et on a l'excellent jeu Burger Quiz en numéro 5 qui est en gros gros top des ventes puisqu'ils ont sorti une nouvelle boîte de jeux comme l'émission a repris. Excellente émission avec Alain Chabat. Feu Alain Chabat, c'est plus Alain Chabat maintenant. Alors, il est parti, c'est je sais plus comment il s'appelle, c'est un gars qui l'a remplacé. Ah ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est, il y a une raison à son départ. Je crois qu'il en avait marre. Je crois que c'est inexact ce que tu dis. Ah bon ? Je crois c'est un que fake. Non, enfin, c'est vrai mais il n'a pas été remplacé par un gars, je crois que ça va être mouvant. Genre toutes les semaines un nouveau présentateur, un truc comme ça. D'accord. Et ah ouais, c'est fou. Présentateur sélectionné parmi les habitués. Ouais, c'est les joueurs habituels. Et là, c'était Jérôme Commandeur. Ah ouais. Le mec que tu as vu. D'accord. Écoute, merci. Hein. Ouais, je finis vite fait. Du coup, il y a pas mal de trucs qui sont pas très intéressants, des classiques poupées, Playmobil et compagnie. Mais juste, je m'arrête sur un truc qui est dégueulasse. Ça s'appelle Poupsy, la licorne magique. Vraiment, c'est très très laid. En fait, c'est une licorne assez mal faite, hyper vulgose, genre c'est je suppose que c'est une fille, elle porte un, vous savez les t-shirts qui s'arrêtent juste au-dessus du nombril là, elle a une espèce de mini short, enfin elle est mi-sexualisée, mi-dégueulasse, sauf que le concept c'est que tu la remplis avec des colorants et tu la fais, en fait tu lui fais chier des caca arc-en-ciel. Voilà, c'est où tu peux lui faire chier des trucs en forme de cœur. Bon, Poopsie Surprise Unicorn, franchement, Poopsie, n'achetez pas ça. N'achetez pas ça, c'est dégueulasse, c'est moi, moche. Moi, je trouve ça presque cool, tellement le truc est laid, ouais. Qu'il fait de la merde. C'est, on dirait, ouais. C'est le concept. Ouais. C'est une presque concept horrible, mais c'est pour les adultes plutôt, quand même. Peut-être c'est un public adulte. Et voilà, en parlant de caca, Poopsie, il va bientôt être l'heure de troquer ses micros contre des bols de café. Beau. Café, caca. Excellent. Peut-être on se dit un mot d'eux, on explique ce qui va se passer. Ouais, alors ce qui va se passer très concrètement là, c'est qu'il nous reste 2 heures de direct à passer ensemble. On va se déplacer puisque jusqu'ici on a fait tout le direct au sein du Diablo Corps, au 100 rue Saint-Hilaire. Et le matin, tous les lundis matin, on a des concerts à la Conjuration des Fourneaux au 149 rue Saint-Hilaire, organisé par l'association Ceux qui ne sont rien. Des concerts vraiment détendus, c'est souvent des trucs acoustiques, idéal pour se réveiller. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer notre studio au niveau de la Conjuration des Fourneaux. Donc il va nous falloir une petite dizaine de minutes, un quart d'heure maximum, le temps de déplacer le matériel. Du coup, on va rendre l'antenne. Donc temporairement, vous verrez que la web radio va passer sur la playlist de base. Voilà, on va quitter le direct, mais on va le reprendre dans 15 minutes. Donc ne vous inquiétez pas, on est de retour très vite, ça n'est pas un bug. Vous allez arriver en cours de chanson et on va couper en cours de chanson, mais c'est pas grave en fait finalement. C'est pas important, ce qui compte c'est qu'on s'installe le plus rapidement possible. Exactement. Du coup, on se retrouve d'ici 15 minutes sur l'antenne, restez connectés. Et donc, il va y avoir le concert qui commence à partir de 7h30. En général, ça dure jusqu'à 8h, 8h15. Et puis après ça, petit à petit, on va conclure un peu l'émission, on va discuter ensemble, etc. etc. Ouais, je mets un petit Harry Potter theme song, ça va se couper au milieu quand on va arrêter le direct. Et puis on se retrouve dans un autre endroit. Et bah à tout de suite. Allez, salut. Thank you.